Vous aviez l'astronef et vous aviez les corps. Voyons. Et tout ça a été bouclé dans un bunker. Et c'était où alors, David? Je ne sais pas. En zone 51, pas vrai? Zone 51. Venu de la planète, Omega Nega, je fais des dégâts. Dans mon flow renégat, gars, je vois que ça se dégâts. Évadé de la zone 51, le Iti flagata. Neutralisons le système d'alarme, on passe à la soga. Atterrissage sans dégâts en zone 51. La base située dans un périmètre hostile au mien. Les scanners auscultent sans relâche le terrain. Tout est en place, le boycott Hertzien. Lumière rouge, bâtiment retranché dans le désert. Armes lourdes pour dissuader toute personne étrangère. Au programme d'études sur les êtres qui ont fendu l'atmosphère. D'une planète qui a la peur bleue, d'une frappe stellaire. L'homme tente vainement de payer notre savoir pour hériter de connaissances infinies sur l'histoire. On dispose de données scellées qui sont les clés du pouvoir. Je me tiens comme un alien en quarantaine dans la zone 51. Pas peur que par erreur j'entraîne la gangrène. À l'échelle planétaire, la science humaine me freine, m'isole comme un embryon mortel en camisole immortelle. On fuit de la zone 51 avec peur des fracas. Les sacs du vol en éclats, les secrets d'état. Debout et garde à vous, Universal Soldat S4 brûle. Curieux des médias, on fuit la zone 51 avec perte et fracas. Les sacs qui volent en éclats, les secrets d'état. Debout et garde à vous, Universal Soldat S4 brûle. Le curieux des médias, on met le troupe chez les commanditaires assoiffés. Ils ont la forme sans le fond, en croyant nous avoir isolés. Chez l'homme, c'est inné, état d'urgence décrété. Même une irdabeur mentale, rendant HS cette zone minée de bombes. Cette force cosmique nous protège de leur jeu immonde. Envers et contre tous, je pousse mon peur à psychique hors de ses limites pour franchir les barrières cosmiques. Afin d'éveiller mon sens extra lucide au public aveuglé. On joue de la sécu d'une zone en haute surveillance. Les membres du vaisseau opérationnel franchissent la garde qui pionce. Danse hors de la zone interdite avec des requins. La brillance sortant de ses yeux semblable à ceux d'un felin. Un androïde, il était impossible de le démasquer. Sa tête peut changer d'aspect à chaque mot prononcé. Hypnotise l'être humain comme Edingwe. Un regard qui projette en toi des rayons ultraviolets. On fuit la zone 51 avec peur des fracas. Les sacs qui volent en éclats, les secrets d'état. Debout et garde à vous, Universal Soldat S4 brûle. Sous le feu curieux des médias, on fuit la zone 51 avec peur des fracas. Les sacs qui volent en éclats, les secrets d'état. Debout et garde à vous, Universal Soldat S4 brûle. Sous le feu curieux des médias, on reste un mystère qui génère les fantasmes interplanétaires. Des on experts comme mon attitude glaciale, rude comme le métal galactical. Traverse le temps en dépit des mouvements, nos repères sous la terre comme aux cieux sont les mêmes, dangereux, hargneux. Ma campagne politico-médiatique dans ce brin touche à l'éthique de la zik cosmique et d'un autre genre, et l'esprit qui habite mon être. Moi tu sais bouche cousue, je jette à bout secret d'état. Mais Bob Lazar a vendu la mèche au feu des médias, faisant de Groomlek une poudrière victime d'un coup de grisou. Irradiant S4 des manipulations sur le flot de notre crew. Il suffit, arrêtez ces conneries, je me ferai la belle par le tunnel de l'espoir afin de franchir la frontière du réel qui propulsera tes cinq sens de Dreamland au hit du ciel. Les aliens sont là. On fuit de la zone 51 avec peur des fracas. Les sacs qui volent en éclats, les secrets d'état. Debout et garde à vous, Universal Soldat S4 brûle. Sous le feu curieux des médias, on fuit de la zone 51 avec peur des fracas. Les sacs qui volent en éclats, les secrets d'état. Debout et garde à vous, Universal Soldat S4 brûle. Sous le feu curieux des médias.